إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans la lecture du livre Al-Fusul min Sirat fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam écrit par Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala celui qui a écrit Tafsir al-Qur'an al-Azim. Donc il a écrit également Al-Bidaya wa Al-Nihaya et plusieurs livres également dans différents sujets dans le fiqh et autres. Donc, Al-Hafiz ibn Kathir, en passant, c'était un des élèves de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de l'imam ibn al-Qayyim et également de Al-Mizzi, un des grands savants de hadith de l'époque. Na'am, donc, ça fait partie des ulama salafiyin. Il fait partie des ulama salafiyin, des ulama qui suivaient la salafiyya dans la aqida et dans le manhaj. Na'am, donc on continue à ce sujet dans le chapitre Faslun Ghazwatu Badrin al-Kubra. Ghazwatu Badrin al-Kubra. Donc la grande bataille de Badr. Et on a expliqué au dernier cours que il y a eu plusieurs batailles qui se sont appelées Badr et que celle-ci, c'était la plus grande. C'était la troisième en importance. Donc, non, donc c'est ça. J'ai une liste là. Peut-être que je vais la poster sur Twitter aussi. C'est une liste des différentes batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est tiré d'une carte qui était dans un musée à Médine, près de Masjid Quba. Il y a un musée là-bas, à côté de la mosquée, à Quba, à Médine. Et il y a sur cette carte l'indication de toutes les différentes batailles et les différents combats qu'il y a eu et les expéditions militaires aussi. Donc celles qui sont encerclées en rouge, c'est celles dans laquelle il y a eu un combat armé. Et les autres, c'est des expéditions dans lesquelles il n'y a pas eu de combat. Donc sur 27 dans cette liste, il y en a seulement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense que c'est ça, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7 sur 27 qui sont avec combat armé, les autres sont sans combat. Donc je vais poster ça tout de suite en même temps, ça pourrait être... Donc ça y est, je l'ai posté. Donc on va commencer, Inch'Allah. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. Donc il commence à expliquer les questions qui ont rapport avec la bataille de Badr. Avant de rentrer dans le sujet de la bataille de Badr, il y a juste quelques petits points intéressants que j'ai trouvé dans l'explication de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr dans son Sharh de Al-Fusul. Et il mentionnait certaines choses qui sont vraiment intéressantes et qui sont bénéfiques à connaître. C'est par rapport aux batailles qu'il y a eu dans l'islam. Et il expliquait que la plupart des batailles, à la suite des grandes batailles dans lesquelles il y a eu des combats dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chacune de ces grandes batailles-là, il y a eu une trahison de la part des tribus juives qui étaient présentes à Médine et dans les environs. Donc il dit par exemple les grandes batailles qu'on retrouve mentionnées dans le Coran, il y a la bataille de Badr. La bataille de Badr, elle est mentionnée dans Sourate Al-Anfal, dans les versets de Sourate Al-Anfal. Puis il y en a aussi des mentions dans d'autres versets aussi, mais le plus c'est dans Sourate Al-Anfal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En ce qui concerne la bataille de Uhud, c'est mentionné dans la fin de Surat Al-Imran. Les versets qui parlent de la bataille de Uhud, c'est dans Surat Al-Imran. La bataille de Al-Khandaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des versets au sujet de cette bataille dans Surat Al-Ahzab. Et dans Surat Al-Hashr, dans Surat Al-Hashr, il parle de la guerre contre Bani Nadir. Bani Nadir, c'est une des tribus des Juifs, une des tribus juives. Et Al-Hudaybiyah, c'est dans Surat Al-Fath. Al-Hudaybiyah, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans Surat Al-Fath. Donc c'est ça. Et les guerres que le prophète sallam a eu contre les juifs, c'était après chacune des grandes batailles, parce que les juifs faisaient des ententes de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand ils voyaient que les musulmans étaient en guerre contre les mouchriquins et qu'ils étaient en une situation, ils étaient disons occupés par le combat avec les mouchriquins, eux ils en profitaient pour briser leur entente puis faire des problèmes aux musulmans et s'allier avec les mouchriquins. Donc, ils ne respectaient jamais leur entente. Et l'exemple de ça, c'est que après la bataille de Badr, la tribu qu'on appelle Bani Qaynuqa, c'est eux qui ont brisé leur entente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc combattu la tribu de Bani Qaynuqa après la bataille de Badr. Après la bataille de Uhud, c'est Bani Nadir qui a brisé son entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la bataille de Al-Khandaq, c'est Bani Qurayza qui a brisé son entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans Al-Hudaybiyah, c'est les juifs de Khaybar. Donc c'est pour dire que à chaque fois les juifs brisaient leur entente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ayant dit ça, maintenant on va commencer à expliquer certaines choses à propos de Ghazwat Badr, la bataille de Badr. La bataille de Badr, elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Et l'imam Ibn Kathir il dit: وَنَذْكُرْ فِيهِ مُلَخَّصُ وَقْعَةِ بَدْرٍ الثَّانِيَةِ. Donc certains disent que c'était la deuxième bataille de Badr. La première bataille de Badr, on l'a mentionné dans les cours précédents, c'était celle qu'on appelle, si je ne me trompe pas ici parce que j'avais mentionné, la bataille, il dit, ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَهَا بِنَحْوٍ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ إِلَى بَدْرٍ الْأُولَى وَذَلِكَ أَنَّ Kurz ibn Jabir al-Fahri. Donc c'est ça, j'avais parlé de cette bataille-là avec Kurz ibn Jabir al-Fahri. Il n'y a pas eu de bataille, mais disons qu'il y avait une expédition. Et les musulmans sont sortis sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette bataille-là. ou cette expédition-là. Donc, ça, c'était la première, et la deuxième, c'est celle-ci. Il y en a qui disent même que c'est la troisième. Bon. On appelle Badr aussi Yawm al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a nommé dans Surat al-Anfal, Yawm al-Furqan. Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an. Je ne sais pas si c'est aussi dans Surat al-Imran. Attends, laisse-moi juste vérifier. Parce que j'avais. Des fois, j'oublie, yani, subhanallah. يوم التقى الجمعان يوم الفرقان c'est dans سورة الأنفال يوم الفرقان c'est dans سورة الأنفال mais يوم التقى الجمعان c'est mentionné dans آل عمران et الأنفال نعم donc on l'appelle يوم الفرقان الفرقان ça veut dire le discernement la distinction hein. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a discerné entre la vérité et le faux, entre la foi et la mécréance, c'est lors de cette bataille. C'est là que la vérité a été tranchée et que la foi a été apparente. À partir de ce jour-là, les musulmans, hein, ils se sont imposés. Et donc, il dit « وَهِيَ الْوَقْعَةُ الْعَظِيمَ أَلَّتِي فَرَّقَ اللَّهُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ » وأعز الإسلام ودمر الكفر وأهله. Donc c'est la bataille, la grande bataille dans laquelle Allah a séparé et distingué entre la vérité et le faux, et il a honoré l'islam et donné la puissance à l'islam, et il a écrasé la mécréance et ses alliés et ses adeptes. Il dit وذلك أنه لما كان رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش. Donc, il explique, الحافظ ابن كثير, il explique que c'est donc pendant le ramadan, la deuxième année de la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que une caravane, en arabe on appelle Ir. Ir c'est une caravane composée de nombreux chameaux qui transportent des choses. Il y a des caravanes de commerce. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a des caravanes de commerce, il y a des caravanes de voyage, il y a d'autres sortes, mais... ici, il s'agissait d'une caravane de commerce. Hein, qafila. Qafila tijariya. Donc, l'ir, c'est al-qafila. Et donc, il a appris qu'il y avait une caravane qui revenait de la Syrie et qui s'en allait vers la Mecque, conduite par Abu Sufyan. Hein, et Abu Sufyan, son nom, c'est Sakhr ibn Harb. Et on sait que à ce moment-là, il n'était pas musulman, mais qu'à la fin, à la conquête de la Mecque, il s'est converti à l'islam par la suite. Donc, il est devenu musulman. Mais à ce moment-là, il n'était pas musulman. Et cette caravane qui revenait en fait de la Syrie, c'est la même caravane que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tenté d'intercepter dans la bataille ou dans l'expédition qu'on appelle Ghazwatul Ushayra. Ou bien on dit Al-Ushayra. Et c'est ça que qui est intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti vers Al-Ushayra pour essayer de l'intercepter à ce moment-là. Ils avaient entendu qu'il y avait une caravane qui quittait la Mecque et qui se dirigeait vers Al-Sham pour aller avec du commerce, pour vendre des choses, acheter des choses. Et donc, ils sont partis pour l'intercepter. Mais une fois arrivé à Al-Ushayra, Abu Sufyan avait entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait pour l'intercepter. Alors, il a réussi à s'enfuir. Il avait réussi à s'enfuir. Donc, il ne s'était pas... les musulmans n'ont pas réussi à l'attraper. Et dans la bataille de Al-Ushayra, on a dit dans l'expédition de Al-Ushayra... On a dit que c'était ils étaient partis avec deux saints parmi les muhajirin. Et c'est Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui portait la bannière blanche. Hein? Et il est sorti donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans. Et ils étaient, hein, ils avaient 30 chameaux. Et ils se faisaient, ils se relayaient les uns les autres sur ces chameaux, sur ces 30 chameaux-là. Hein, chacun d'entre eux, peut-être trois d'entre eux, ils montaient à chacun de leur tour. Ils faisaient un bout de chemin. Quand un est fatigué, ils montent. Après, ils s'échangent comme ça. Et ils étaient partis pour intercepter cette caravane de Quraysh qui s'en allait vers la Syrie. Mais ils ont appris que les musulmans étaient sortis pour aller les intercepter. Et donc, ils ont réussi à passer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé là-bas avec les muhajirines, elle était déjà passée, la caravane. Donc, ils l'ont manqué. Donc, ils sont restés là-bas quelque temps. Ils ont fait des alliances avec Bani Madlaj. Et puis après, ils sont retournés. Il n'y a pas eu de combat. Mais cette même caravane, quelques mois plus tard, elle est revenue de la Syrie. On dit que cette caravane était composée de 1000 chameaux. 1000 chameaux. C'était une caravane immense qui contenait des richesses, beaucoup d'argent, beaucoup de commerce. Déjà, 1000 chameaux, c'est immense comme richesse. Et ils avaient avec eux comme argent environ 50 000 dinars, on dit. Et elle était seulement gardée par 43 hommes parmi les mouchriquins. Et parmi eux, Mahrama ibn Nawfil et Amr ibn al-As. Donc ça, c'est le contexte de ce qui s'est passé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que cette caravane, elle approchait de la Syrie, hein, elle venait, donc on sait que la Syrie, c'est au nord de Médine. Et Médine est au nord de la Mecque. Donc pour aller vers la Mecque, ils doivent passer près de Médine. Hein? Ils passent, le chemin qu'ils prenaient, c'est le chemin de Badr. Mais bon, on va continuer à expliquer le contexte et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette caravane-là. Donc, Abu Soufyan, hein, il avait avec lui, comme on a dit, une quarantaine d'hommes. Et c'était une grande caravane et elle contenait beaucoup de richesses et beaucoup d'argent. Hein, il y avait beaucoup de marchandises pour le commerce aussi avec eux. Il dit فَنَدَبَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لِلْخُرُوجِ إِلَيْهَا وَأَمَرَ مَنْ كَانَ ظَهْرَهُ حَاضِرًا بِالنُّهُودِ ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا إلا أنه خرج في 312 رجلا لثمان خلون من رمضان واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. Donc ici il explique le Hafiz Ibn Kathir, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité donc les sahaba à partir pour aller intercepter cette caravane. Et en réalité, c'était pas quelque chose qu'il avait fait avec beaucoup de préparation. C'était pas une expédition qu'il avait préparée en faisant beaucoup de préparation pour ça. Ceux qui étaient présents au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette information-là, il leur a dit, ceux d'entre vous qui avez votre monture avec vous, on va partir tout de suite. Donc vous venez avec nous. Puis il n'a pas vraiment fait une grande campagne, puis préparé depuis très très longtemps, non. C'était vraiment vite fait. Et c'était pas organisé. Pourquoi? Parce que à la base, leur intention, c'était pas de faire une guerre. C'était pas de combattre une armée, mais seulement d'intercepter une caravane commerciale. Donc, c'était pas à la base, l'intention, c'était pas d'aller affronter une armée. Sauf que, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que c'est pas ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait au départ l'intention de faire, c'est pas ça ce qui s'est produit. Il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, donc il est parti avec environ 310 et quelques hommes. Environ entre 310 et 320 personnes. Et il dit qu'ils n'ont pas fait donc de grosses préparations. Celui qui avait sa monture avec lui, il leur a dit de venir. Ceux qui avaient leur monture, il leur a dit de venir. Et il restait quelques jours avant la fin du ramadan, c'est-à-dire ils étaient encore dans le ramadan. C'était le premier ramadan qu'ils faisaient. Hein? C'était le premier, parce que c'est dans la deuxième année de la hijra. Donc c'était le premier ramadan qu'ils faisaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé en son absence comme responsable Ibn Maktoum, et c'est lui qui dirigeait la prière. Puis il dit falamma kana birrawha radda Aba Lubaba Ibn Abd al-Munzir wa istamalahu ala al-Madina. Donc quand il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Ar-Rawha, il a renvoyé Abu Lubaba pour yani s'occuper de Médine à sa place, parce que yani Ibn Maktoum, c'est un bon musulman, c'est un grand musulman connu, mais il est aveugle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Lubaba pour gérer la ville en son absence. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Il dit ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير وفرس المقداد ابن الأسود الكندي ومن الإبل 70 بعيرا يتعقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يتعقبون بعيرا وزيد بن حارثة وأنس وأبو كبشة وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة يتعقبون جملا وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرة. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient deux chevaux. Le cheval de Az-Zubayr et le cheval de Al-Miqdad. C'est les deux seuls qui avaient parmi les Sahaba un cheval. Et ensuite, il y avait 70 chameaux. Hein, les Sahaba, ils avaient avec eux 70 chameaux pour 300 personnes. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'échangeaient chacun leur tour le chameau. Deux ou trois d'entre eux, ils faisaient le relais. Hein, chacun leur tour, ils montaient. Ils marchaient un bout du chemin, puis ensuite, il y en a un d'entre eux qui montait, puis quand l'autre était fatigué, il montait à sa place, et ainsi de suite. Et donc, ils disent que, par exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il partageait un chameau avec Ali et Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi. Et donc, il s'échangeait avec eux, les trois. Il y a même une narration qui mentionne que à un certain moment donné, lorsqu'ils étaient en train d'avancer justement ils marchaient, et ils sont arrivés au moment où c'était le tour, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marche, et il était sur le chameau, et là il devait descendre pour laisser sa place à un des deux qui échangeait avec lui. Puis il dit ولما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, يعني les deux autres ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, نحن نمشي عنك, C'est-à-dire, au lieu que tu descendes, toi, tu peux rester sur le chameau. Nous, on va marcher à ta place. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Hein? Il a dit, « Ma antuma bi aqwa minni, wa la ana bi aghna anil ajri minkuma. » Hein? « Akhrajahu Ahmad. » C'est-à-dire, il a dit, « Vous deux, vous n'êtes pas plus forts que moi. » Et en même temps aussi, disons que je veux autant que vous la récompense, hein, de marcher, hein, fisabilillah. Donc, en voulant dire, Yanni, je suis fort, je suis pas faible pour que vous devez me laisser votre place, puis en même temps aussi, je suis autant méritant que vous d'avoir aussi de la récompense de marcher, hein, dans le sentier d'Allah. Donc ça, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa modestie aussi, hein, et du fait que yani, il voulait pas dire, yani, laisser les gens marcher puis que lui il monte. Non, lui aussi il marchait alors que les autres étaient sur le chameau. Et ça, c'est un exemple de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du bon comportement. Et également, il y avait d'autres sahabas qui se relayaient d'autres chameaux, comme par exemple les servants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Zayd et Anasa et Abu Kabsha, et également Hamza avec eux, et aussi Abu Bakr et Omar et Abdurrahman ibn Auf. Eux, ils étaient sur un autre chameau, et ainsi de suite. Il dit, ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار وكانت راية الأنصار بيد سعد بن معاذ وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء يعني وادي الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني ساعدة وعدي ابن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير. Donc il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distribué les bannières, parce que dans la guerre, il y avait toujours des bannières, et les gens qui sont à la tête des différents régiments de l'armée, ou du groupe, hein, du groupe de combattants, il y avait Mus'ab ibn Umair, qui avait la bannière blanche, et il y avait d'autres groupes également, le groupe des Muhajirin et le groupe des Ansar. Le groupe des Muhajirin, c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui avait cette bannière là, et l'autre bannière, celle des Ansar, c'était tenue par Sa'd ibn Mu'adh. Et il dit ensuite, à l'arrière-garde de l'armée, il y avait Qais ibn Abi Sa'sa'a, c'est lui qui était à l'arrière de l'armée ou du régiment. Puis il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un endroit qui s'appelle Wadi al-Safra, qui est environ à 50 kilomètres, eh bien il a envoyé deux hommes, Basbas ibn Amr al-Juhani et un autre qui s'appelle Adi ibn Abi Zarba. Et il les a envoyés en éclaireur pour vérifier les nouvelles de la caravane, hein, pour voir, hein, comme en espionnage, pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec la caravane, est-ce qu'elle approche, est-ce qu'elle s'en vient, hein, et ainsi de suite. Et il dit, et Abu Sufyan, il dit, wa Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraj rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qasduhu iyyahu فاستأجر دمدم ابن عمرو الغفاري أو الغفاري إلى مكة مستسرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، يعني وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم معهم منهم أحد. Donc, il dit, Al-Hafidh ibn Kathir, par la suite, que donc Abu Sufyan, il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour intercepter sa caravane. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé un homme pour aller avertir Quraysh. Son nom, c'est Damdam ibn Amr al-Ghifari. Et il l'a envoyé jusqu'à Mecca pour aller avertir Quraysh et les appeler et leur dire de se dépêcher pour venir protéger et défendre leur caravane pour empêcher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de l'atteindre. Il dit, et lorsque l'homme en question est arrivé à Mecca, il a commencé à crier du haut de la montagne, hein, et il a dit, venez, dépêchez-vous, venez, parce que, yani, votre caravane, wa alaykoum salam, votre caravane, elle va se faire attaquer par les musulmans. Et donc, ils sont tous partis, hein, tous les nobles de Quraysh, hein, tous les gens importants de Quraysh et les différentes tribus sont tous réunis, puis se sont préparés pour partir, excepté Abu Lahab. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'est pas parti parce que il a donné sa place, c'est-à-dire il a envoyé à sa place quelqu'un qui avait une dette envers lui. Donc, étant donné qu'il avait une dette envers lui, il lui a dit OK, tu me dois quelque chose, donc vas-y à ma place. C'est toi qui vas y aller à ma place. Comme ça tu me dois plus rien, hein. Puis il est parti. Et toutes les différentes tribus sont tous parties, et aucune d'entre les tribus de Quraysh, aucune d'entre les familles de Quraysh et les différents clans de Quraysh sont restés derrière, excepté Bani Adi. Mais les autres sont tous partis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit dans le verset dans le Coran la manière dont ils sont sortis dans Sourate Al-Anfal. Le verset, c'est le verset 47. Donc, on va lire l'exemple que le cheikh il a mentionné. Il dit: Bataran ria an-nas wa yasudduna an sabilillah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit leur façon, comment ils sont sortis, et il explique que c'était, yani, avec fierté, hein, et avec ostentation, en repoussant, hein, ils sortent de leur demeure pour repousser la vérité et par ostentation, comme si pour se montrer, hein, obstruant le sentier d'Allah. Puis il dit: أقبلوا في تجمل وحنق وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه. Donc il dit que ils ont mis toutes leurs décorations et toutes leurs habits militaires et tout, et ils sont sortis donc avec plein de, hein, avec toutes leurs attroupements et toutes leurs affaires pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et le but c'est de reprendre leur leur caravane, et en même temps pour se venger de la mort de Amr ibn al-Hadrami, qui avait été tué durant la bataille de dans l'expédition de Abdullah ibn Wahsh, je crois que c'est Abdullah ibn Jahsh, pardon. Abdullah ibn Jahsh, comme on avait mentionné au dernier cours, la bataille d'Abdullah ibn Jahsh, quand l'autre a été tué, Amr ibn al-Hadrami. Donc ils veulent se venger de ça, et du fait qu'ils avaient perdu cette caravane-là, puisque les musulmans l'avaient interceptée. Hein? Donc, le shaykh il dit, « فَجَمَعَهُمُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادِ لِمَا أَرَادَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا الايه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a donc réunis sans qu'il y ait de rendez-vous, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par cela une grande sagesse, hein, le fait que cette rencontre a eu lieu, et c'était même pas prévu, parce que c'était pas ça le but à la base, c'était pas de combattre une armée ou de partir en guerre, juste d'intercepter la caravane. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 42 dans sourate Al-Anfal, hein, il exprime exactement cette réalité de qu'est-ce qui s'est passé. Mais il fallait, il dit, si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, hein, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que, sur preuve, périt celui qui devait périr et vive celui, hein, vive sur la preuve celui qui devait vivre. Wa alaykoum salam. C'est-à-dire pour que la preuve soit établie contre les mouchriquins. Et le cheikh il dit ensuite, يعني ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثيرا فتكلم كثيرا من المهاجرين فأحسنوا ثم استشارهم وهو يريد بما يقول الأنصار فبادر سعد ابن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخذنا معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله فسر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. Donc, Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'est-à-dire il a entendu, il lui est parvenu que Quraysh était sorti pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour combattre, hein, pour défendre la caravane, il a demandé conseil à ses compagnons. Et il a parlé aux muhajirines pour les inciter. Et ils ont accepté. Ils ont eu une bonne réaction. Puis par la suite, il a pris le conseil des Ansar. Il a demandé aux Ansar. Hein, et il leur a parlé pour les inciter également. Et il s'adressait aux Ansar en particulier. Pourquoi ? Parce que, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents, ils n'avaient pas comme comme les muhajirines, ils n'avaient pas prêté allégeance pour le combat contre Quraysh, contre les mouchriquines. Hein, ils avaient prêté allégeance pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendre s'ils attaquaient Médine, mais pas pour sortir contre les mouchriquines. Et donc, ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à eux, Hein? Et il a parlé aux Ansar en particulier, il les a incités, et après, Sa'd ibn Mu'adh, qui était le chef des Ansar, il a dit, « Oh, messager d'Allah, comme si tu t'adressais à nous. Hein? » Et il a dit, « Par Allah, messager d'Allah, si tu nous demandais de partir avec toi dans la mer, hein, pour combattre, eh bien, on serait parti avec toi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réjoui de ça. Hein? Ils ont dit, nous marcherons avec toi, ô messager d'Allah, par la bénédiction d'Allah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réjoui de cela, et il a dit donc, avancez. Hein? Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah. Il a dit donc, partons et réjouissez-vous, car Allah m'a promis un des deux groupes. Un des deux groupes, c'est-à-dire soit, yani, la caravane de Abi Sufyan, ou bien l'armée de Quraysh, un des deux groupes. Et à ce moment-là, bien entendu, les musulmans souhaitaient que ce soit pas Quraysh, yani, que ce soit pas Quraysh qu'ils rencontrent, mais que ce soit plutôt la caravane, hein, la caravane de Abi Sufyan, parce que c'est plus facile. Si c'est la caravane, il n'y a pas de combat. Ils vont juste prendre la caravane et c'est fini. Tandis que si c'est l'armée des mouchriquins, de Quraysh, alors là, c'est plus compliqué parce que là, ils doivent les combattre et ils sont nombreux. Hein, même plus nombreux qu'eux. Alors, dans l'élément qui mentionne ça dans Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, je crois que c'est dans le verset 7, dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Ce qui signifie en français, rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes serait à vous. Une des deux bandes, c'est-à-dire soit la caravane de Quraysh, ou, pas la caravane de Quraysh, soit la caravane de Abi Sufyan, mais c'est la caravane de Quraysh aussi, et, ou bien l'armée. L'autre groupe, c'est l'armée qui se dirigeait, hein, de Hasham qui s'en allait vers Mecca. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous promettait qu'une des deux bandes serait à vous. Il dit, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, la caravane de Abi Sufyan, alors qu'Allah voulait par sa parole faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Donc ici on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait planifié autrement. Il avait planifié que ceux qu'ils allaient rencontrer, c'était pas yani la caravane de Abi Sufyan, mais plutôt l'armée de Quraysh. Donc il dit, ثُمَّ رَحِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنَزَلَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ وَرَكِبَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُسْتَخْبِرًا ثُمِّنْ صَرَفَ فَلَمَّا أَمْسَ بَعَثَ عَلِيًّا وَسَعْدًا وَالزُّبَيْرِ إِلَى مَاءِ بَدْرٍ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرِ فَقَدِمُوا بِعَبْدَيْنِ لِقُرَيْشِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه لمن أنتما فقال نحن سقات لقريش يعني فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه معهم يعني قريب ليفوزوا به ولأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك فجعلوا يضربونهما فإذا آذاهما الضرب قالا نحن لأبي سفيان فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. قال كم القوم؟ قال لا علم لنا. قال كم ينحرون كل يوم؟ فقالوا يوما عشرا ويوما تسعا. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé jusqu'à ce qu'il arrive proche de Quraysh, de Badr. Puis il est monté lui ainsi que un homme parmi ses compagnons pour aller voir et apprendre quelques nouvelles de qu'est-ce qui se passait, puis il est retourné. Puis lorsque c'était le soir, il a envoyé Ali et Saad et Az-Zubayr vers un des oasis ou des puits de Badr pour entendre des nouvelles, chercher des nouvelles à propos de la caravane. Et ils ont attrapé deux parmi les esclaves de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était en train de faire la salat quand ils les ont ramenés. Et puis les compagnons ont commencé à poser des questions à ces deux esclaves. Vous êtes qui? Ils ont dit, nous sommes des gens qui portons l'eau pour Quraysh. Hein? Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas aimé ça parce que ils souhaitaient que ce soit des gens qui sont avec la caravane de Abi Sufyan, pas avec l'armée des mouchriquins de Quraysh. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que pourquoi? La caravane de Quraysh, elle est pas défendue. Ils n'ont pas d'armée, donc ils n'ont pas d'armes. C'est juste aller prendre les marchandises et les amener, intercepter la caravane. Tandis que si c'est l'armée des mouchriquins, eh ben, ils ont des armes, ils sont prêts, ils sont préparés, ils ont un grand nombre. C'est plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les sahaba, quand ils ont attrapé ces deux esclaves, ils leur disaient, vous êtes avec qui? Et quand ils disaient, nous sommes avec Quraysh, ils les frappaient. Puis, quand ils les laissaient, ils disaient, on est avec Abi Sufyan. Et quand ils disaient qu'ils sont avec Quraysh, ils les frappaient. Alors, quand le prophète a terminé sa prière, il leur a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, quand ils disent la vérité, vous les frappez, et quand ils mentent, vous les laissez. Parce qu'ils voulaient que ce soit les gens qui sont avec la caravane de Abi Sufyan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a posé les questions. Il leur a dit, où est Quraysh? Il leur a dit, où est Quraysh? Il dit, derrière les dunes. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont combien? Ils ont répondu, on ne sait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question, ils égorgent combien de chameaux chaque jour? Ils ont répondu, 10, hein, un jour 10, un jour 9. Parce qu'il faut qu'ils nourrissent, il faut qu'ils mangent. Donc à chaque jour, ils égorgent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À chaque jour, ils égorgent un nombre de chameaux pour manger. Et les deux esclaves ont dit, ils égorgent 9 à 10 chameaux tous les jours. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils sont entre 900 et 1000. Hein, il a compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peu près leur nombre, par le nombre de chameaux qu'ils égorgeaient chaque jour. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera l'explication de la suite de la bataille de Badr au prochain cours, Inch'Allah, la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته